L'actualité à Nancy et ailleurs. Rencontre en chanson avec Lizzie, ce sera le vendredi 26 janvier à la MJC Étoile de Vendeuvre et c'est organisé par l'association Les Baladins. Serge, bonjour. Bonjour. Serge qui est président donc de l'association des Baladins et qui organise depuis de nombreuses années maintenant des rendez-vous comme ça autour de la chanson. Il y en aura trois d'ici le mois de mai et ce premier rendez-vous donc avec Lizzie, pouvez-vous nous la présenter en quelques mots, d'où vient-elle ? Lizzie, je l'ai rencontrée en 2018 ou 2019 dans un festival en Auvergne, à Volvic. Elle nous avait chanté, entre autres, l'Albatros de Charles Baudelaire en fado, parce que c'est une artiste d'origine française, mais qui a combiné le fado portugais avec la chanson française, et ça donne, ma foi, des choses très jolies à écouter, d'autant plus qu'elle a une très belle voix. Et quand j'ai vu Lizzie cette année-là, je me suis dit, ça serait bien qu'elle vienne au Baladin, et voilà. Et puis j'ai eu l'occasion de la faire venir cette année, donc j'en profite. Là, ce sera donc à la MJC Étoile, le 26 janvier. Alors à la MJC Étoile, puisqu'on est partenaire, disons, avec la MJC Étoile sur les concerts qu'on organise là-bas, depuis quelques temps maintenant. Et ce sera donc le vendredi 26, effectivement, à la MJC Étoile à 20h30. Et ce sera le premier concert de cette année 2024. On peut peut-être évoquer rapidement les deux autres rendez-vous. Il y en aura un au mois de mars et un au mois de mai. Alors, au mois de mars, on recevra Hélène Péris, qui vient de Paris. Alors, elle, c'est beaucoup d'humour. Elle doit un peu sur des choses. Donc, il y a beaucoup d'humour et un peu sarcastique, quoi. Oui. Et puis, au mois de mai, donc, on aura deux artistes, Yvan Marc et Frédéric Bobin. Frédéric Bobin, qui commence à se faire un nom dans le milieu de la chanson depuis quelques années. Que vous avez déjà reçu aussi, hein ? Oui, Frédéric Bobin est venu déjà au Baladin. Oui, je le rencontre assez souvent dans des festivals, voilà. Ça fera la programmation du premier semestre et puis à la rentrée, on envisage aussi autre chose, mais on en reparlera d'ici là. Certainement. Et le premier rendez-vous à ne pas manquer, c'est ce vendredi 26 janvier. La musique de Lizzie aux couleurs chaudes de la folk et de la saudade, c'est à partir de 20h30 à la MJC Étoile, c'est 14 rue d'Amsterdam. Si on veut réserver sa place, comment fait-on ? Ah bien, on peut soit appeler 03 83 25 87 16. Et puis, il y a la billetterie sur BilletWeb. BilletWeb, on cherche Lizzie, on va tomber sur le concert. Ou on passe par le site des Baladins également, www.lesbaladins.fr. On va sur l'agenda et on a toute l'information, les informations que je viens de donner sur les trois prochains concerts. Pour un petit voyage musical qui va nous réchauffer, ce sera le 26 janvier, donc à 20h30 à la MJC Étoile. Merci beaucoup, Serge. Eh bien, merci beaucoup. Je suis partie sans foi ni croix, sans savoir si j'allais à la guerre ou en voyage. J'ai embarqué les yeux fermés et les flots m'ont prise pour leur faire la chanson des canons. Se perdra au fil du temps, mon cœur en pleine saison des ouragans.